Tu sais, tous nos anciens pleurs se sont transformés en rires. Je crois que même du pire, j'ai gardé le meilleur. Ma caboche est magicienne, elle me rend des souvenirs cachés dans ses tirelires les plus anciennes. Ici, on ne chôme pas, je suis très bien installé. Les gens s'occupent de moi toute la journée. Mais j'ai toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Mais j'ai toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Maintenant j'ai mes habitudes, le paysage est joli. Le vent porte jusqu'ici l'odeur du sud. Je me promène souvent, c'est rare que l'on s'ennuie. Sauf quelquefois quand la nuit dure trop longtemps. Je tourne dans la carrée, je rate des réussites et me voilà tout de suite très occupé. Mais j'ai toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Mais j'ai toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Pour toi ce serait pas marrant. Ici faut savoir attendre. Ici faut savoir s'entendre avec le temps. Le temps est un méchant diable, entre vous ça n'irait pas. Et si tu savais de quoi il est capable. Quant à moi je l'ai à la bonne, je le regarde passer, je lui laisse tout ce que j'ai et il me donne toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi. Il me donne toujours 5 minutes, 5 minutes pour penser à toi.